Alors il nous a torturé l'esprit, en projetant des visions, des élucubrations dans nos cerveaux. Alors, ma femme, à la fin, elle a collé une perceuse sur sa tempe gauche, dans le but d'expulser les images de son crâne. Jusqu'ici, votre détermination a été extrêmement impressionnante.